5. Nous avons occupé l'heure suivante à effacer nos traces du mieux possible. La police, en admettant qu'elle finisse par découvrir les 4 cadavres dans ce trou perdu, y verrait un simple règlement de compte. Il n'était pas impossible, d'ailleurs, que les coyotes se chargent de les rendre inidentifiables. Quant au véhicule de Finch et de ses complices, j'étais bien certaine qu'ils avaient été volés et équipés de fausses plaques. J'ai ramassé les portables des 3 ripoux et débranché le brouilleur exhumé de l'une des poches du cadavre de Finch. Coup de chance, la seule voiture que Gary n'avait pas utilisée comme bélier était celle de Benjamin. Alors que je sortais du bâtiment, j'ai entendu Ben qui, debout au milieu du parking, téléphonait. Je n'ai saisi que ses derniers mots. « C'est tout bon, on se retrouve là-bas. » J'ai tout de suite été gênée, non par le contenu du message, mais par le ton avec lequel il était prononcé. Benjamin ne s'exprimait pas comme quelqu'un qui vient d'échapper à une mort quasi certaine. Soit il jouait la comédie du macho que rien n'effraie, soit... quoi ? Étais-je une fois de plus victime de ma tendance à la paranoïa ou avais-je flairé l'anguille sous roche ? Bon, vous avez fait le ménage, s'enquit Ben Lovson. On peut y aller ? Le jour n'allait plus tarder à se lever. Déjà, la nuit s'éclaircissait dans les lointains. Il était effectivement plus prudent de nous éloigner de cet endroit avant que la route devienne plus fréquentée et qu'un automobiliste se rappelle nous avoir vus sortir de l'ancienne exploitation minière. Je suis montée dans le Humvee, les nerfs en alerte. Quelque chose ne tournait pas rond. Gary n'est pas venu à pied, ai-je fait observer. Sa moto doit être cachée dans les environs. On n'a pas le temps de la chercher, s'est impatienté Ben. On rentre à Salton Sea, on sort Sawana Warlock de sa foutue planque et l'affaire est réglée. Il a mis le contact et fait rugir le moteur, comme pour couper court à toute objection. 3 minutes plus tard, nous avions rejoint la route principale. Une certaine tension s'était installée entre nous, rendant le silence pesant. J'ai pris une grande inspiration et décidé d'en finir. « C'est vous qui avez signalé à Finch Calder que nous serions à la Cantina Soledad, n'est-ce pas ? » ai-je énoncé d'un ton neutre. Il n'a pas protesté. C'est à peine si ses mains se sont crispées une fraction de seconde sur le volant. Il a poussé un soupir de lassitude ou d'exaspération avant de lâcher. Oui, il fallait un appât pour attirer Gary. Comme il avait déjà essayé de vous tuer, nous pensions qu'il ne résisterait pas au besoin de recommencer. Finch nous avait assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Nous, c'est qui ? Moi et votre mère. Calder marchait avec nous depuis le début. J'ai serré les dents à m'en faire péter les mailles. Suis-je bête, ai-je ricané. Vous avez fait ça pour le fric, bien sûr. Depuis le début, c'était pour le fric. Il a haussé les épaules sans quitter la route des yeux. À présent, nous roulions très vite. J'ai pensé que si nous percutions un coyote occupé à traverser la piste, nous étions bons pour partir dans le décor. Une fugitive aspiration au suicide s'est allumée puis éteinte dans mon esprit. « Il n'y a jamais eu d'ordonnance du juge, ai-je repris. La remise en état du musée, c'était de la foutaise. Oui, il nous fallait un prétexte pour vous faire venir. Nous pensions que vous finiriez par mettre le doigt sur quelque chose. Vous avez une sacrée réputation de fouineuse. On s'est dit que tôt ou tard, vous donneriez un coup de pied dans la fourmilière et qu'il en sortirait un élément utilisable. » Cela faisait des années qu'on cherchait à mettre la main sur le magot de Sawana. Des années que nous allions de fausse piste en fausse piste. Putain, quand je pense au temps que j'ai perdu à explorer les Slot Canyon du désert, j'ai failli finir sous un éboulement à 3 reprises, tout ça pour rien. L'argent? Mais pourquoi? Vous êtes riche? Mais non, la maison d'édition va déposer son bilan. Les bouquins de Savoana ne se vendent plus depuis des lustres. Le film qui est sorti l'année dernière a fait un bide et n'a aucunement relancé les ventes. Tout ça, c'était des bobards. Mon père est ruiné. Et comme si ce n'était pas suffisant, un AVC l'a changé en légumes. C'est Anne, votre mère, qui m'a soufflé l'idée du trésor. Le problème, c'est qu'il était hors de question qu'elle aille enquêter elle-même au manoir. Gary et Savoana n'avaient plus confiance en elle. On n'aurait pas tardé à la retrouver flottant à la surface du lac, comme ça a failli vous arriver. Non, il fallait envoyer quelqu'un de neuf, mais qu'on pourrait contrôler. Vous faisiez parfaitement l'affaire. Vous couchez avec ma mère? Accessoirement, là aussi j'ai pris le relais de mon père. Anne ne s'arrête pas à ces détails, elle veut survivre. Quand la maison d'édition aura disparu, elle se retrouvera sans travail, sans protection, réduite à la mendicité, immigrante illégale traînant des casseroles très compromettantes. Elle m'a apporté l'affaire du magot introuvable, moyennant un pourcentage. Combien ? 40%. Mais comme vous avez contribué au succès de ce projet, on peut très bien envisager de vous rétrocéder 10% du capital. J'ai eu un rire amer. Vous ne savez même pas sur quoi vous allez mettre la main, ai-je sifflé. Détrompez-vous. J'ai étudié les livres comptables de la boîte. Cette cinglée a engrangé un véritable pactole durant son époque de gloire. Or, à part le manoir de Saltonsea qu'elle a acheté pour une poignée de cacahuètes, elle n'a pratiquement rien dépensé. Elle a vécu comme une nonne, cloîtrée, se satisfaisant de presque rien. J'estime qu'elle doit dormir sur un matelas de 10 millions de dollars au bas mot. Si vous fermez les yeux, vous empocherez un cadeau d'un million net d'impôts. Du bon, du beau liquide en billets de 100. Et vous? Moi, je me tire au Mexique avec Anne. J'ai des projets. Là-bas, je ferai fructifier ma mise de fonds. Je suis à un âge où on peut encore recommencer plusieurs fois sa vie. Ce n'est pas le cas de votre mère. C'est sa dernière chance. Ne la lui gâchez pas. Et Savoana? Bon sang! Vous n'allez pas prétendre que vous vous inquiétez pour cette folle? Elle a commis plusieurs crimes et a été complice dont ne sait combien d'autres. Elle finira dans un asile d'aliénés où elle aurait dû être internée il y a déjà 20 ans. J'ai gardé le silence. J'avais la conviction que Benjamin ne me disait pas tout. Avait-il été assez naïf pour croire que Finchcolder et ses acolytes se contenteraient d'un maigre pourcentage du butin? Probablement pas. Vous misiez sur le fait que Gary liquiderait les associés de Fitch, n'est-ce pas? Ai-je grogné. Peut-être pas tous, mais un ou deux, oui, a-t-il admis. Ensuite, une fois l'information obtenue, je me serais débarrassé de Colder et son copain survivant. Comment? J'avais amené une bouteille de très bon whisky pour fêter l'événement. Empoisonné? Non, additionné d'un puissant narcotique qui les aurait foudroyés en 3 secondes. Un truc qu'on utilise pour anesthésier les chevaux. Ensuite, je les aurais balancés dans un puits de mine. Certains plongent à plus de 200 mètres. Je vois. Et j'aurais suivi le même chemin? Bien sûr que non. Anne ne me l'aurait jamais pardonné. Le marché, c'était que je vous ramène intact. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais elle tient à vous. Ne vous énervez pas, tout est sur le point de se terminer. Je propose qu'on partage l'argent et qu'on se sépare à l'amiable. C'est une sacrée chance qui s'offre à vous. Vous n'en avez pas marre de retaper des baraques qui ont été le théâtre de crimes sordides? Là, il disait vrai. Il était peut-être temps pour moi de démarrer une nouvelle existence. Pourquoi avoir des scrupules, a-t-il insisté? Ce fric, c'est de l'argent sale. Un pactole que Sawana a extorqué à ses lecteurs en faisant commerce d'une littérature infecte, le plus souvent inspirée de ses propres crimes. Songez qu'on ne sait toujours pas combien d'assassinats Gary a mis en scène pour stimuler ses fonctions créatrices. Ces deux-là ont fait un sacré dégât. Natalia Wells, Tsar Makorius, Josie Fredericks, sans oublier son propre père. Mais combien d'autres ignorons-nous? Comme je ne répondais pas, il a choisi de se taire et nous avons continué à rouler en silence. Le soleil était haut dans le ciel quand la silhouette biscornue du manoir est apparue sur la ligne d'horizon. J'ai tout de suite repéré la grille grande ouverte. Ma mère était déjà là, arpentant le jardin en fumant nerveusement. Elle n'avait pas osé ouvrir la porte du Winnebago. Elle était vêtue d'un tailleur en lin blanc froissé. Le soleil allumait des scintillements de mercure sur ses cheveux gris. Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'elle avait une sacrée allure pour une femme de son âge. Benjamin a garé le Humvee sur le bas-côté, puis il a ouvert la boîte à gants dont il a sorti un Colt 38 spécial détective à canon court, ce qu'aujourd'hui, à notre époque d'obusier, on a tendance à considérer comme une arme de sac à main. « Au cas où, » a-t-il expliqué, « on ne sait pas de quelle façon Sawana va nous accueillir. Elle peut très bien nous flinguer au fusil de chasse. Je préfère me montrer prudent. » Nous avons mis pied à terre. Ma mère m'a regardé sans esquisser un geste, ni dire un mot. Cela m'a soulagé. Je crois que si elle avait ouvert la bouche, je n'aurais pu m'empêcher de lui sauter à la gorge. Le fossé qui nous avait toujours séparés s'était encore élargi. À présent, c'était comme si nous nous tenions chacune sur un continent différent, avec entre nous un océan en furie interdisant toute traversée. Le plus sage était d'éviter de prendre la mer. « Ok, » a décrété Benjamin. « On va se comporter en adulte raisonnable. On est là pour traiter une affaire commerciale. Voilà le programme. On trouve la cache, on neutralise Sawana si c'est nécessaire, on procède au partage et on se sépare, bons amis. » J'ai retenu un ricanement. De toute évidence, le 38 de Ben n'était pas exclusivement destiné à nous protéger de Sawana, et j'étais prête à parier que ma mère cachait le même dans son sac à main. Sitôt le pactole découvert, je risquais fort de me retrouver, désarmée, au beau milieu d'un échange de coups de feu. Ma mère a ôté ses lunettes noires pour les ranger dans son sac, qu'elle a omis de fermer. « On y va ? » a-t-elle proposé. Comme ni l'un ni l'autre ne se décidait à bouger, j'ai escaladé le marchepied et ouvert la porte du gigantesque camping-car, puis tâtonné pour allumer les plafonniers. L'intérieur était d'une rigoureuse propreté et d'un luxe étonnant. Tout avait été conçu pour créer l'illusion d'un véritable appartement. Je me suis rappelé que ce modèle coûtait à peu près aussi cher qu'un bungalow, tout en étant beaucoup plus solide. « Où est-ce ? » a demandé ma mère. « Gary a dit dans le fond, » ai-je répondu sans la regarder. « Dans la chambre. Il était très bricoleur. Je suppose qu'il a raccourci la pièce pour ménager un espace secret, une cachette de la taille d'un placard. « Putain !» a grogné Ben. « Ça doit puer comme l'enfer là-dedans. » Je pense que Sawana ne s'y cachait qu'en cas de danger, quand des étrangers risquaient de l'apercevoir. Le reste du temps, elle devait aller et venir dans la caravane. La nuit, elle regagnait peut-être le manoir. C'est aussi mon avis, a renchéri ma mère. Je la vois très bien dormir le jour et sortir de sa planque à la nuit tombée. Gary devait la suivre pas à pas. On s'en fout, a craché Benjamin que nos commentaires exaspéraient. On y va, oui ou merde. Lentement, nous avons remonté le Winnebago dans toute sa longueur. dans la kitchenette s'entassaient d'impressionnantes piles de conserves d'Intimor, du beef sweet principalement, mais aussi du chicken pot pie, ainsi qu'une muraille de boîtes de macaroni mac and cheese. Ce trajet nous a amenés à la chambre du fond. Apparemment, elle ne présentait rien d'anormal, sinon qu'elle était exiguë. Mais cela ne choquait guère dans une caravane où proportions réduites et encastrements bizarres sont de règle. Toutefois, en examinant la cloison située derrière le lit, j'ai fini par repérer des traces de bricolage. Gary s'était débrouillé pour dissimuler du mieux possible un panneau coulissant. Une espèce de chatière assez large pour qu'un humain puisse s'y glisser à quatre pattes. Je me suis souvenu qu'il avait travaillé pour un gang de bikers spécialisés dans le trafic de cam et que les passeurs utilisaient fréquemment des véhicules truqués pour acheminer de grosses quantités de dope. Le boulot avait été effectué avec soin et, si l'on n'était pas prévenu, il était impossible de repérer le panneau mobile. « Qu'est-ce que tu attends ?» a lancé Benjamin en braquant son arme dans ma direction. « Tu te décides à entrer ou je dois te pousser au cul ?» Appliquant mes paumes sur le panneau, j'ai entrepris de le faire bouger. D'abord, il a résisté, puis un déclic s'est produit et le morceau de cloison s'est replié sur lui-même, démasquant un passage de 50 cm de côté. Une odeur de renfermé et de désodorisant chimique m'a sauté au visage. Une veilleuse bleue éclairait le réduit comme elle l'aurait fait d'une chambre d'enfant. L'endroit mesurait environ 1,50 m de large, pas davantage. Il était équipé d'étagères et de petits placards très bien conçus. J'ai repéré un WC chimique et des bidons d'eau potable dans le coin gauche. À droite, sur une couchette repliable, reposait une vieille femme vêtue d'une chemise de nuit. Elle avait les yeux grands ouverts et me regardait en souriant. Ses cheveux blancs étaient coupés très courts, à cause de la chaleur, probablement. Flanquant la couchette, une étagère supportait un nombre impressionnant de flacons pharmaceutiques. Tranquillisants et somnifères, auxquels se mêlaient des dizaines de barres chocolatées Marston Million Dollar. Les sacs noirs étaient, eux, alignés sous le bas-flanc auquel ils servaient d'assises. J'en ai compté 7. « Salut, ai-je lancé à tout hasard. Vous allez bien ?» Je me sentais dans la peau d'un cosmonaute débarquant sur une planète inconnue et déclarant « Je viens en paix ». Elle n'a pas répondu, mais son sourire s'est accentué et elle a agité la main à son tour. « Voulez-vous sortir ?» lui ai-je proposé. « Il fait beau, cela vous ferait du bien. » Elle a cessé de sourire et froncé les sourcils comme si elle réfléchissait intensément. « Gary m'a interdit de parler aux étrangers, » a-t-elle récité. « Je ne dois pas sortir quand il n'est pas là. »« Il va venir, » ai-je inventé. « Il a été retardé. Je suis la nouvelle infirmière. » J'avais un peu honte du rôle qu'on me faisait jouer, mais je n'excluais pas la possibilité que Sawana cache un pistolet automatique sous son oreiller. Au terme d'un interminable débat intérieur, elle a consenti à se redresser. Elle était de petite taille, avec un visage étrangement plat, où le nez prenait l'apparence d'une pyramide dressée au milieu du désert. Je l'ai aidée à enfiler ses pantoufles et à se glisser dans la chatière, puis je suis sortie à mon tour. J'ai été frappée par l'expression de terreur inscrite sur le visage de ma mère. Qu'est-ce qui l'effrayait tant? Était-ce de se retrouver brusquement en face de celle qui l'avait tyrannisée durant tant d'années? Ou bien de lire sur les traits de la criminelle les stigmates de sa propre vieillesse? « Les sacs sont là, » ai-je lancé à Benjamin qui trépignait, sous la couchette. Il m'a bousculé pour se précipiter dans la cache. Soutenant Sawana, je l'ai fait s'asseoir dans la cuisine. Puis j'ai ouvert le réfrigérateur pour lui verser un jus de fruits. Comme elle ne donnait aucun signe d'affolement, j'en ai déduit qu'elle était sous tranquillisant. Ses yeux papillotaient. J'ai posé le verre devant elle ainsi que deux cookies sortis d'un paquet entamé. Elle a commencé à grignoter patiemment, telle une vieille souris de dessin animé. Derrière moi, Benjamin et ma mère s'agitaient férocement, luttant pour extraire le premier sac de la cachette. Les mains tremblantes, au comble de l'excitation, ils sont tombés à genoux devant le bagage, dont la fermeture à glissière encrassée, et que personne n'avait fait jouer depuis 10 ans, refusait de répondre à leurs sollicitations. Le sac s'est enfin ouvert, révélant un empilement de liasses. Des Benjis principalement, mais aussi des Ulysses S. Grant retenus par des bandes de papier. « Putain !» a triomphé Benjamin. « On a touché le jackpot !» Et dire que depuis tout ce temps, c'était là, sous notre nez. Il a plongé la main dans le sac pour empoigner une liasse, et aussitôt, son expression a changé du tout au tout. J'ai vu que les billets s'effritaient entre ses doigts. « Merde » a-t-il balbutié. « Qu'est-ce que ?» Pris de frénésie, il a renouvelé l'opération. En vain. Chaque liasse, dès qu'on la manipulait, s'émiettait rapidement, se changeait en une pluie de confettis. En me penchant, j'ai constaté que les billets étaient constellés de trous minuscules, une myriade de trous d'épingles qui minaient leur structure. Ma mère s'est redressée, blême. Elle suffoquait. Elle a marché à reculons jusqu'à ce que ses omoplates heurtent la cloison. Puis, elle s'est laissée tomber sur une chaise. « Je sais d'où ça vient », a-t-elle hoqueté. Pendant ses crises d'avarice, lorsqu'elle s'était mise en tête qu'on la pillait, Sawana avait l'habitude de cacher les billets entre les pages des livres de la bibliothèque. Les livres, il y en avait des milliers. Puis, quand elle a changé de tactique, elle a récupéré le fric pour en remplir les sacs. Elle s'est interrompue, à bout de souffle. Elle n'avait pas besoin d'en dire davantage, j'avais compris. Sawana avait oublié une chose, le taret. Le taret des livres. Cette bestiole minuscule qui grignote férocement le papier imprimé. Elle était passée des romans dans les billets pour se reproduire à l'infini au cœur des sacs. Le magot lui avait tenu lieu de garde-manger durant les 10 dernières années. Elle avait tout bouffé, transformant les liasses de $1000 en dentelles friables. Les 7 sacs ne contenaient plus que de la poussière de trésor. Je me suis reculée, tandis que ma mère et Benjamin se bousculaient pour s'introduire dans la cachette à la recherche d'un nouveau sac. Ayant décidé que tout cela ne me concernait plus, j'ai gagné la sortie. Sawana m'a fait au revoir de la main. Elle avait salopé sa chemise de nuit avec les cookies au chocolat. Alors que je descendais le marchepied, elle a demandé « Il revient quand, Gary ?»« Il risque d'être un peu long, » ai-je répondu. « Alors ça va, » a fait la vieille femme. Puis, alors que je ne m'y attendais nullement, une drôle d'étincelle s'est allumée dans son œil et elle a dit « Vous ne seriez pas dessiné par hasard. J'aurai bientôt besoin d'une illustratrice. Pourquoi ?»« J'ai une nouvelle idée de roman, » a-t-elle annoncé avec un curieux sourire. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu et poursuivi mon chemin. Tournant le dos au manoir, je suis montée dans le Humvee de Benjamin Lofson et mis le contact. Je n'avais plus rien à faire ici. Je roulais depuis une bonne heure quand une idée dérangeante m'a traversé l'esprit. Je me suis soudain souvenu que Benjamin, paniqué par l'état des billets, avait abandonné son 38 sur une chaise, sans surveillance. Était-ce la vue de cette arme disponible qui avait réjoui à ce point Sawana? J'ai hésité à faire demi-tour. Quoi qu'il se soit passé, cela remontait maintenant à plus d'une heure, et il était désormais trop tard pour envisager d'intervenir. J'ai préféré demeurer dans l'ignorance et appuyer sur l'accélérateur. Le Humvee a bondi, comme s'il voulait prendre son envol. Fin du roman, La stratégie de l'écureuil. de Serge Brussolo.